La mise en onde est assurée par François Kimana. Merci de garder l'écoute de la radio Isanganiro. Nous sommes mardi 7 mai 2019. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. En voici d'abord un essentiel. Les taux d'intérêt élevés fixés par les banques constituent un blocage pour l'inclusion financière au Burundi. Les administratifs l'ont déploré ce lundi au cours d'un atelier d'échange organisé par les réseaux des institutions microfinance sur l'amélioration de l'inclusion financière au Burundi. Vous l'entendrez tout à l'heure. Et les conducteurs de taxi-vélo s'insurgent contre une somme de 1000 francs burundais exigée pour les contributions aux élections de 2020. Collectés par leur association, ils expliquent qu'il s'agit de contributions de trop, car ils contribuent déjà dans les ménages. Et en province Ngaudil, on parle de grogne et de caféculteurs à l'endroit des centres de collecte du café Cerise, qu'ils accusent de prélever quelques kilos sur le café vendu et surtout de vente à un bas prix par rapport au prix officiel. Et à la fin de ce journal, vous en êtes habitué, nous, tous les mardis, nous allons vous parler de la chronique santé. Aujourd'hui, on revient sur le traitement de paludisme. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour. La Commission électorale nationale indépendante CENI appelle la jeunesse burundaise à faire preuve de retenue et de responsabilité en ne se laissant pas manipuler par les hommes politiques et surtout prendre conscience qu'elle constitue un avenir meilleur pour le Burundi. Ce sont les propos de Pierre Claver Kadihise, président de la CENI, lors d'une réunion de consolidation de la culture démocratique au Burundi tenue ce mardi à l'endroit des différents acteurs concernés par les élections à mairie de Bujumbura la veille du rendez-vous électoral de 2020. Pierre Claver Kadihise recommande aux acteurs politiques de privilégier le dialogue pour éviter les climats de tension dus au manque du dialogue en période électorale, comme cela s'est manifesté dans le passé. Et en page économie, certains administratifs déplorent que leurs administrés ne soient pas sensibles à l'inclusion financière quand les banques et les microfinances demandent beaucoup d'intérêts sur les crédits contractés. Le gouverneur de la province de Lumonge l'a dit ce lundi au cours d'un atelier d'échange organisé par le réseau des institutions des microfinances sur le rôle de l'administration locale dans l'amélioration du niveau de l'inclusion financière au Burundi. Les cadres de la Banque centrale qui participaient à cet atelier ont indiqué que les taux d'intérêt dans les banques et microfinances sont régis par la loi. Les détails avec Evariste Nzikobanya. Au moment où les Burundais sont appelés à l'inclusion financière, plusieurs ne répondaient pas nombreux à cet appel. Parmi eux figurent les habitants de Lumonge, comme le confirme le gouverneur de cette province. Juvenal Bigirimana l'a dit ce lundi au cours d'un atelier d'échange organisé par le réseau des institutions de microfinance RIM. Il a indiqué que ses dirigeants déclarent que ces banques demandent beaucoup de taux d'intérêt. Vous avez entendu lors de la célébration de la Journée internationale du travailleur et du travail que le chef de l'État a souligné que les banques demandent beaucoup de taux d'intérêt. Dans des réunions de sensibilisation que nous tenons, la population évoque beaucoup de taux d'intérêt qui sont demandés par les banques. Il se pourrait que vous intimidiez même ceux-là qui veulent revoir à la baisse ces taux d'intérêt. Je pense que c'est cette situation qui engendre le secteur informel. Je pense qu'il faudrait revoir à la baisse ces taux d'intérêt pour que les Burundais répondent massivement à l'inclusion financière. Au sein de la Banque centrale, l'on trouve non fondé ce prétexte de la population qui ne comprend pas comment fonctionnent les banques, raison pour laquelle il est demandé aux administratifs de les sensibiliser. Diane Jocelyne Vizimana, cadre de la BRB, explique que ces taux d'intérêt demandés par les banques sont régis par la loi. Vous, les banques et microfinances, vous avez les prérogatives d'afficher les taux d'intérêt sur les crédits que vous octroyez à vos clients. Chaque banque et chaque microfinance a cette prérogative régie par la loi qui intime l'ordre d'afficher toutes ces exigences. Il faut que chaque client procède à la lecture de tout ce dont vous exigez avant qu'il ne s'engage à contracter le crédit ou à ouvrir un compte de dépôt ou d'épargne. Il faudra les sensibiliser mobilisés à le faire. Chacun a donc le choix de la banque qu'il vous facilite. Cela étant, le Burundi compte 37 institutions de microfinance et 10 banques reconnues par la loi. Merci Evariste Nzikobanyanga. Page agriculture, je vous l'avais dit en titre, grogne des caféiculteurs de la province Ngozi à l'endroit des détenteurs des centres de collecte de café cerise. Ces derniers sont accusés de prélever quelques kilos, mais également de payer moins par rapport au prix officiel fixé par le gouvernement, chose confirmée par la fédération des caféiculteurs Ngorirangukize de la province Ngozi qui demande à l'administration à la base de suivre de près ces collecteurs. Correspondance d'Apollinaire Muzagara. Ces cas de grogne s'observent dans différentes communes comme Gashikanoa, Ngozi, Usiga et autres. Selon ces caféiculteurs, sur certains centres de collecte, ils sont payés 400 francs le kilo de café cerise A, alors que le prix officiel est de 500 francs pour la cerise B. Le gouvernement a fixé 250 francs pour le kilo, mais ils ne reçoivent que 100 ou 150 francs pour seulement. Aussi, à cause du tricage de la balance, chez bon nombre de ces dépulpeurs, on retire 5 kilos pour celui qui y amène 50 kilos pour ne payer donc que 45 kilos et 90 kilos pour celui qui achemine 100 kilos. Ils acceptent ces conditions imposées par ces acheteurs de café car, disent-ils, sont dans le besoin d'argent. L'autre raison, selon toujours eux, ils craignent un paiement très tardif comme ça a été le cas l'année passée. La Fédération des caféiculteurs d'Ongozi dit être au courant de cette situation. Le coordonnateur technique au sein de cette fédération demande l'effort de l'administration, des responsables provinciaux de l'agriculture ainsi que de tous les intervenants en vue de la vulgarisation de l'article obligeant tout acheteur à avancer une certaine somme d'argent à tout client qui est dans le besoin en attendant le paiement proprement dit. Comme le gouvernement a interdit le paiement cash, source de détournement selon cette fédération, Lambert Nzoubumwe conseille aussi l'identification des auteurs de ce sabotage du bon déroulement de cette campagne café afin de les sanctionner au profit du caféiculteur. Donc aussi, apprenez Muzagara. Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagara, toujours en page agriculture, mais cette fois-ci en bref. La société de production de l'engrais chimique FOMI située en commune de Mutimbuzi de la province de Bujumbura va être soutenue par le gouvernement, d'autant plus qu'elle contribue à diminuer de 50% les devises allouées à l'importation des engrais chimiques. Les précisions sont du ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et de l'Élevage devant l'Assemblée nationale ce mardi pour les questions orales. Diogui Deloulema a en outre précisé qu'aucune autre entreprise dans la région ne produit l'engrais chimique, il le dit après le rapport d'une descente de la commission chargée des questions agricoles et de l'élevage dans cette province du pays, Gitega, Chibitoke, Kayanza, Ngozi, Karusi, Bujumbura et Bubanza. Après une courte pause, on va passer en page transport. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h05 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter via le www.isanganiro.org, mais également en live sur Facebook. Il suffit d'écrire Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Certains piétons regrettent que les feux tricolores implantés sur certaines routes de la mairie de Bujumbura sont parfois violés. Ils expliquent qu'il arrive que les piétons traversent la route alors qu'ils devraient attendre les véhicules ou vice-versa. Ces usagers de route urbaine demandent qu'ils aient de signaux qui annoncent les feux tricolores afin de réguler la circulation routière. Reportage signé Vestine Boutoyi qui a fait le tour ce mardi sur certaines routes de la mairie de Bujumbura. À la jonction des routes, celles venant de la zone Buiza, à l'envers la zone Buyenzi et le boulevard du peuple Murundi, venant du centre-ville vers le marché de la Kotebu, il y a des feux tricolores sur tous ces côtés. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a un feu de signalisation routière du côté de la zone Buyenzi qui donne le passage aux piétons au moment où celui du boulevard du peuple Murundi, dans sa bande des véhicules qui se dirigent vers le centre-ville de Bujumbura, cède le passage aux véhicules. Certains passagers qui empruntent cette voie disent qu'il est difficile aux piétons de la traverser quand on est en pleine circulation. Dans ce cas, ils affirment que le piéton doit céder le passage au véhicule. Cependant, ils pensent que ces feux tricolores seraient mal programmés. Une autre indique que même si ces feux de signalisation routière seraient mieux programmés, il y a des piétons qui ne les respectent pas. Elle ajoute que c'est le même cas pour les conducteurs des véhicules. Ces passagers demandent aux autorités habilitées la mise en place des signaux routiers au moins à 50 mètres en aval des feux tricolores annonça ces derniers la sensibilisation sur l'utilisation de ces feux tricolores ainsi que des véhicules qui ne sont pas concernés par ces feux de signalisation. À 9h45 du matin, les feux de signalisation routière se trouvant près de la PCR en face de l'immeuble de la mairie de Bujumbura n'étaient plus fonctionnels. Merci, Vestine Boutoyi. L'article 292 du Code de la route, quant à lui, autorise certains véhicules de franchir le feu rouge. Mais ici, le conducteur doit d'abord marquer un arrêt et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un danger pour les autres usagers. Parmi les véhicules autorisés à franchir le feu rouge figurent les cortèges protocolaires et les cortèges funèbres. On va revenir sur cet élément. On vous montre de l'autre côté quel élément n'est pas pris, mais la promesse est de revenir et vous en parler en détail. Le conducteur de taxi-vélo en zone urbaine de Kamenge dénonce le paiement d'un montant de 1000 francs burundais de contribution aux élections de 2020, alors qu'ils ont contribué 2000 francs burundais exigés pour chaque ménage. Ces derniers font savoir qu'ils n'ont pas été informés au préalable sur cette contribution tout en demandant aux autorités municipales de suspendre cette décision. Les détails avec Pacifique Chubahiro. Ces conducteurs de taxi-vélo en zone urbaine de Kamenge indiquent qu'ils ont été informés de la décision de payer une somme de 1000 francs destinée aux élections de 2020 ce lundi lorsqu'ils allaient payer les frais de stationnement à mairie de Bujumbura. Ces derniers font savoir qu'ils n'ont pas été contactés avant la mise en application de cette décision tout en précisant qu'ils continuent à s'acquitter des frais exigés à chaque ménage. Ces taxi-vélos de la zone urbaine de Kamenge demandent à leurs responsables de leur informer avant toute décision et en demandant aux instances habilitées de suspendre cette mesure. Merci Pacifique Chubahiro. Page sportive en bref, le ministère des Sports, Arts et Culture indique qu'il ne dispose pas de moyens pour prendre en charge les boxeurs qui participeront au championnat d'Afrique de boxe zone 3 qui se déroulera au Gabon en date du 12 mai cette année, mais ce ministère indique qu'il a adressé une lettre à son homologue du ministère des Finances afin de les soutenir et qu'ils attendent toujours la réponse. C'est après que le président de la Fédération burundaise de boxe a fait savoir qu'il est prévu que 11 joueurs doivent participer, mais que pour le moment, 5 seulement sont en ordre. Radio Isanganiro, chronique santé. Le paludisme peut être traité à l'aide de différentes sortes de médicaments, y compris les comprimés, explication de la directrice du Programme national de lutte contre le paludisme, qui ajoute qu'un traitement mal choisi ou interrompu empêche l'élimination complète du parasite du corps de la personne infectée du paludisme. Dans la chronique précédente, nous avons parlé que les maux de tête et ou les vomissements sont certains des signes de cette maladie. Docteur Jeanne d'Arc Nilanyiwagila souligne néanmoins que si le paludisme n'est pas traité à temps, peut présenter des complications sévères, souvent mortelles. Les détails dans cette chronique santé avec Ornella Mucho. La quinine, l'un des médicaments pour traiter le paludisme, Dr Jeanne d'Arc Nilanyiwagila dit que même si la quinine est payée, d'autres médicaments comme l'artésinate injectable sont servis gratuitement dans les hôpitaux, tant publics que privés. Le paludisme est simple pour le traiter. On utilise la combinaison artésinate plus amodiaquine à raison d'une prise par jour pendant 3 jours. Il y a aussi la combinaison artésinate lumefantrine, mais cette combinaison artésinate lumefantrine se prend de la même manière que l'artésinate amodiaquine une fois par jour pendant 3 jours. Mais cette combinaison artésinate lumefantrine jusqu'à présent elle se trouve dans les pharmacies privées. Mais pour l'artésinate amodiaquine, cette combinaison est subventionnée par le gouvernement. Nos malades ne paient rien. Le traitement est gratuit à tous les niveaux de prestation des soins en cas de paludisme, c'est-à-dire dans les centres de santé privés que publics. Le paludisme peut guérir en peu de jours, mais il peut également tuer en 72 heures en cas de non-traitement ou d'interruption des médicaments. Le constat est que le paludisme peut tuer en 72 heures, raison pour laquelle on sensibilise des gens quand ils ont des signes de palud qui se précipitent très rapidement pour aller se faire diagnostiquer. Sinon, c'est une maladie où nous avons tous les moyens pour le traitement. Les traitements sont gratuits. Et le paludisme peut guérir en 3 jours. Mais le problème, c'est que les gens, quelquefois, ils négligent. Ils pensent que c'est de la grippe. Ils pensent que c'est peut-être de la fatigue. Et entre-temps, le parasite se multiplie dans son sang. Et quand il ne se fait pas soigner, ne se fait pas consulter le plus rapidement, il peut développer un paludisme grave. Selon la directrice du programme national de lutte contre le paludisme, l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides est l'un des meilleurs moyens de prévention contre le paludisme. Pour le mode de prévention consiste à l'utilisation correcte des moustiquaires. Comme nous savons que l'ennemi, c'est le moustique dans nos feuilles femelles, alors les moyens pour les éliminer, c'est de faire l'assainissement du milieu, s'assurer de la propriété, qu'il n'y a pas des endroits où les moustiques peuvent se multiplier aux alentours des ménages. Mais c'est aussi les moyens que le programme met en œuvre en collaboration avec les partenaires, la prévention intradomiciliaire. Alors là, on demande à ce que les propriétaires des ménages collaborent avec les équipes qui vont faire la prévention intradomiciliaire, parce qu'il y en a des ménages, des chefs de ménage qui disent que non, moi je ne veux pas que vous entriez dans ma maison. Alors si la personne dit qu'elle ne veut pas qu'on entre dans sa maison, c'est un danger public. Parce que si elle n'est pas protégée, elle sera un réservoir qui va répandre le paludisme dans la communauté. Son responsable du programme national de lutte contre le paludisme fait savoir que depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril 2019, le nombre de malades du paludisme a augmenté d'au moins 30% pour des raisons de changement climatique, contrairement en 2018 où son nombre a chuté de 50%. Merci, on est là mucho. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Mais juste avant de vous quitter, je vous rappelle que les taux d'intérêt élevés fixés par les banques constituent un blocage pour l'inclusion financière au Burundi. Les administratifs l'ont déploré ce lundi au cours d'un atelier d'échange organisé par les réseaux des institutions de microfinance sur l'amélioration de l'inclusion financière au Burundi. Et vous l'avez entendu, les conducteurs de taxi vélo s'insurgent contre une somme de 1000 francs burundais exigée par les contributions aux élections 2020 collectées par leur association. Ils expliquent qu'il s'agit de contributions d'autres car ils contribuent déjà dans les ménages. Et à Province Ngozi, l'on parle de greniers de caféculteurs à l'endroit de centre de collecte du café Cerise, qu'ils accusent de prélever quelques kilos sur le café vendu et surtout de vente à un bas prix par rapport au prix officiel reconnu par le gouvernement. Et bien voilà, point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour la mise en onde d'Elie Nibel Nibigila GTA à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir. Thank you.